Dans les épisodes précédents. Eh ben franchement, il était pas mal cet épisode. Mais du coup, la prochaine fois, est-ce que ça te dirait, on invite un pote qui a une super culture et on fait un petit épisode à trois sur un truc avec des humanoïdes qui font beaucoup de mètres de haut et un côté un petit peu bourre allemand avant la Deuxième Guerre mondiale, mais très très chelou. Et je sais pas comment te le vendre plus sans te dire le nom de l'œuvre. Ça me tente, j'ai bien envie, oui. On pourrait en parler des heures, je pense que ça serait pas mal. Eh ben, vas-y, c'est parti. Bonjour, bonsoir, et bienvenue dans ce nouvel épisode des Mangateux. Cette fois-ci, exceptionnellement, je ne serai pas en présence d'Anthony qui a complètement oublié qu'il y avait un enregistrement. Oui, c'est vrai, mais comme c'est moi qui fais le montage, je vais rester pas loin, juste au cas où. Mais c'est pas grave, rassurez-vous, parce que déjà, d'une, on va être sur une œuvre majeure, et de deux, on va être en super bonne compagnie, puisque nous sommes avec l'encyclopédie vivante. Sur le sujet, j'ai nommé Monsieur Pierre. Salut Pierre, comment bonjour, ça va? Bonjour. Bah ça va très bien. Et toi? Bah écoute, ça va bien aussi. On a un beau temps. Le travail c'est tranquille. On est pressé d'être en vacances. Enfin, je joue la routine quoi. Même à Tours il fait beau. Ouais, honnêtement là ça va. Oui, parce que pour ceux qui savent pas, du coup Pierre c'est un ancien collègue à moi. Enfin toujours un collègue, mais qui n'est plus sur le même site que moi et qui est reparti dans sa Bretagne. Ouais, chercher le beau temps parce qu'effectivement la région Tourangelle ne m'a pas été très favorable. Et ça y est, ça commence à tirer, super. Bon, j'espère que tu seras plus indulgent avec moi sur la suite de cet enregistrement, puisque tu as une connaissance infinie sur le manga dont on va parler ce soir, dont je te laisse nous donner le titre. Infinie, non, quand même pas, mais effectivement, je maîtrise un petit peu l'attaque des titans, Attack on Titan, ou Shingeki no Kyojin, selon dont vous écoutez ces vidéos à l'international. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que celui-là, il est attendu, et pour ceux qui nous écoutent, je sais qu'il y a énormément de fans, donc on peut pas se louper sur l'enregistrement, tu vois. On va bien voir. Il va nous mettre l'opening 1, tu penses, là? Ah bah, tu peux le demander, oui. Bah, de toute façon, quand il va l'écouter, il va le mettre, hein, il a plus le choix, maintenant, ce sera l'opening 1. Comme si j'allais pas le mettre, n'importe quoi. Du coup, l'attaque des titans donc, est un manga écrit et dessiné par Hajime Isayama. Il est pré-publié entre septembre 2009 et avril 2021 dans le Besatsu Shonen Magazine. Donc du coup, on est sur un manga qui est vraiment actuel, là, parce que 2009-2024, c'est assez récent. En 2021, pardon, c'est assez récent. Effectivement, ça peut changer un petit peu des dernières œuvres que vous avez traitées. Parce que il me semble que vous faites des œuvres un peu plus anciennes généralement. Oui, parce qu'on est plus vieux. Des œuvres aussi récentes, ouais. Ouais, bah c'est. Bah, exagère pas non plus. Ouais, on a 10 ans d'écart, hein. Donc je disais, les chapitres ont été compilés en 34 volumes par l'éditeur Kodansha. Et est-ce que tu sais pourquoi c'est l'éditeur Kodansha, pour la petite histoire? Pas du tout, puis alors je vais peut-être me planter, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'autres choses qui soient sorties chez lui. En effet, c'est un peu original, surtout pour une œuvre comme celle-ci, aussi, enfin qui a autant marqué son époque, parce que oui, 21e siècle, c'est une des œuvres les plus populaires, je pense. Ça s'est très très bien vendu, puis ça a été très attendu, donc je te rejoins complètement là-dessus. Ouais, et du coup, on est chez Kodansha parce que Isayama, bien que débutant son histoire à 19 ans, avec l'écriture du coup du one-shot, fait immédiatement preuve d'une très grande force de caractère, ce que j'aime bien chez les gens, généralement. Et donc, imaginez, vous avez 19 ans, vous êtes inconnu dans le monde du manga, vous rêvez de devenir un grand mangaka, et vous avez l'opportunité d'être publié dans le Weekly Shonen Jump. Mais la Shueisha vous demande de modifier quelques détails des grands plans de l'histoire que vous avez donné en amont pour être publié du coup dans le Weekly Shonen Jump. Et là, Isayama, il a dit fuck à la Shueisha, je change rien. Non. Si. Putain, si. Il a dit je touche pas une ligne. Là, c'est impressionnant parce que effectivement, t'as 19 ans, tu te dis bon bah là c'est bon, je signe, c'est royal, c'est un boulevard qui s'ouvre devant moi si je passe dans le Weekly. Donc effectivement, ouais, le refuser juste pour garder sa ligne scénaristique, c'est couillu, j'avoue. Ouais, et du coup il a cherché d'autres éditeurs et c'est là que il a trouvé Kōdansha, du coup, qui va faire le pari de lui laisser carte blanche, et c'est tout ce qu'il fallait à notre illustre mangaka en devenir, puisque son histoire, effectivement, a percé, a très bien percé, et il est notamment reconnu pour la précision de sa narration. Donc, s'il avait dû faire quelques petites entorses ici et là pour des besoins d'éditeur, je pense que ça n'aurait pas eu le même succès. Bah, c'est clair. Surtout que bon voilà, on est à plus de 100 millions d'exemplaires vendus, je pense que il a fait le bon choix, hein. Son éditeur il doit le remercier aussi. Ouais, son éditeur il doit être content, je pense, effectivement. Bien qu'il ait eu cette opportunité là, ça n'a pas forcément été sans critique par la suite pour Isayama, puisque il a fait face assez rapidement à certaines attaques sur sa technique, sur la qualité de ses traits. C'est moche sa mère. C'est vrai que sur les premiers chapitres, c'était pas aussi abouti que dans les derniers. Donc sa technique s'est améliorée petit à petit, de fil en aiguille. Ouais, je mets mon veto là-dessus quand même. Ça après, on est habitué aussi. Tu regardes les premiers One Piece, le dessin, ça a rien à voir avec les tomes 100 aujourd'hui. Dragon Ball, même si ça reste l'œuvre majeure et consacrée parmi toutes les autres, c'est la même. T'as une évolution du trait obligatoire. Ouais, je pense effectivement. Mais même s'il y a ces petites critiques, le manga a quand même été très bien accueilli assez rapidement, notamment grâce à son univers, je pense. À son style survival, trash et violent, un univers un peu dark fantasy, c'est des choses qui plaisent. Donc ça a quand même été une histoire qui a été bien accueillie, hein, dès ses débuts, même s'il y avait ses critiques sur le style, sur le dessin. Bon, oui, et puis il fait des choix scénaristiques dès le départ qui te surprennent. Enfin, clairement, là, t'as pas le temps de souffler, tu peux même pas commencer ton deuxième tome, que c'est déjà le bordel et tu perds des personnages qu'on vient à peine de te présenter. Oui, c'est honnête. C'est vrai qu'il a frappé fort dès le chapitre 1, effectivement. Il voulait avoir un effet un peu de choc, je pense, dès le début, pour accrocher les gens. C'est vrai. Et là où c'est fort, c'est que ça s'essouffle pas. Ouais, c'est effectivement... J'en aurais discuté un peu plus tard, mais c'est effectivement une des forces de cette œuvre, c'est que il a su, tout au long de la parution, donc une dizaine d'années, voire quinzaine d'années, enfin un peu plus de 10 ans, tenir en haleine ses lecteurs, ses spectateurs, du coup, parce qu'il y a une série animée. Il a su tenir en haleine tout le monde constamment. C'est vraiment ça qui a fait que l'œuvre elle a pu avoir ce succès. Ouais, non, mais je suis d'accord. Ouais. Mais on en parlera plus largement plus tard, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Ouais. Et du coup, comme je l'ai évoqué, il y a eu une adaptation en série télévisée d'animation, donc de 2013 à 2023, qui permettra, je pense, grâce aux colossaux travaux des studios d'animation Wit Studio et MAPPA, de donner à l'Attaque des Titans la dimension internationale et transgénérationnelle qu'on lui connaît aujourd'hui. Parce que je suis persuadé que cette œuvre, même si elle est récente, on en parlera encore dans 10, 15, 20 ans. Ça, je te rejoins, ça fait partie du panthéon des œuvres et clairement c'est une réussite, c'est autant par l'animation que sur le manga papier. Et j'irais même un poil plus loin, mais après ça c'est mon interprétation personnelle et ma sensibilité, hein. Mais tu vois, j'ai essayé le manga papier au début, j'arrivais pas du tout à accrocher et c'est la force de l'animation qui moi m'a donné envie de poursuivre. Et bah là tu prêches un convaincu, parce que j'allais dire que nous sommes très nombreux à nous être intéressés à l'Attaque des Titans, et même peut-être au genre manga pour certains, parce que c'est mon cas, et aux animés japonais grâce à l'Attaque des Titans. c'est vraiment l'œuvre, moi, qui a réussi à me captiver, alors que je n'étais pas spécialement intéressé par les mangas et les animés à la base, et je pense qu'elle a réussi à attirer un tout nouveau public, notamment à l'international, parce que le Japon, évidemment, tu sais que le Japon a toujours été, enfin, ça fait plusieurs décennies qu'ils étaient à fond sur le manga. Oui, alors non, j'ai entendu parler de cette théorie. C'est ça. Et alors que vraiment, pour les pays occidentaux, un peu moins, même si notamment en France on était numéro 1, une fan base bien existante. Vraiment, je pense que l'attaque des Titans a vraiment donné un buzz au manga à l'international monumental grâce à la série animée. Alors, je modérerais un chouïa en disant juste que effectivement, ça a participé grandement à la deuxième phase d'intérêt pour le manga. Parce c'est que il n'y avait pas que eux non plus, voilà, et pour le coup, ça a relancé la chose, ouais. Ouais, ça a lancé la chose, ça a ramené de nouvelles personnes, dont certains peut-être dénigreront en parlant de génération Netflix, hein, mais... Oui, mais c'est totalement que ça. Que voulez-vous? Mais ouais, pour moi, il y a eu un vrai phénomène... Avec l'attaque des Titans, notamment la série animée, comme tu l'as dit, parce que moi aussi j'ai lu le manga et c'est vrai que j'ai fait quelques allers-retours parce que les années de diffusion, temps de diffusion étaient un peu longs, notamment entre la saison 1 et la saison 2, on a dû attendre 4 ans. Ah mais je te confirme. Au bout d'un moment, tu craques et tu vas lire le manga, etc. Même si à la base tu l'as découvert avec l'animé. Donc ouais, j'ai fait les deux supports et ouais, moi je te rejoins. Quand j'ai lu le manga en mode papier, même si j'aime bien, même si tu redécouvres l'œuvre d'une autre façon, même si c'est pas les mêmes choses qui ressortent grâce au découpage, etc., notamment sur les émotions, sur les scènes d'action, sur tout ça, j'ai quand même préféré le découvrir en animé, moi, l'attaque des Titans. Et je te rejoins sur ça dans le sens où, de toute façon, t'es déjà venu chez moi et je pense que t'as vu ma bibliothèque. Hein, c'est un passage obligatoire quand on vient à la maison. Ouais. Voilà. Et en fait, je n'ai pas SNK dans ma bibliothèque parce que justement, j'ai pas fait le pas d'aller les acheter. Alors, je les ai lus en dématérialisé, chose que je fais très rarement. Totalement légalement, bien entendu. Évidemment, il faut acheter, soutenir les œuvres, soutenir les pauvres petits éditeurs qui souffrent, qui meurent de faim. Mais tu vois, j'ai autant le côté anime m'a passionné, et comme tu viens de le dire très justement, les 4 ans entre la saison 1 et la saison 2, ça a été un enfer d'attendre, parce que je me vois encore quand j'ai fini la première saison en mode « c'est tout ?» Vous me laissez avec ça, là, à attendre? Ils savent te laisser vraiment sur ta dalle. À la fin de chaque saison, c'est un calvaire. C'est un calvaire, vraiment. Mais c'était très judicieux et très intelligent aussi, parce que, alors après, je sais pas si t'es autant passionné pour le coup sur les mangas et sur les adaptations animées que moi, mais ce qui se passe, en fait, c'est que généralement, quand une œuvre mise en animation, grâce au succès du manga papier, rattrape le manga, généralement c'est à deux solutions. Soit tu fais des fillers, on en a déjà parlé avec d'autres mangas, c'est-à-dire qu'en fait tu fais des arcs avec des histoires qui sortent complètement de la narration du manga, et généralement c'est pas terrible en termes de qualité, pour laisser justement le temps au manga d'être édité, de ressortir de nouveaux chapitres. Ouais. Soit tu fais des grosses pauses, et du coup tu dénatures pas l'œuvre. Pour le coup, je pense que ça a été judicieux de faire ce choix-là pour SNK en disant il n'y aura pas de supplément parce que vous regardez l'animé. Enfin, mais par contre, on reste fidèle du début à la fin. Et ça, c'est chouette. Ouais, ça, c'est chouette. Après, le désavantage qu'il y a eu, en fait, je pense que ça, c'est bien si tu fais un an et demi, 2 ans max. Oui, non, mais 4 ans, c'est trop long. Avec 4 ans, t'as quand même un essoufflement. Ça tombe bien parce que moi, j'ai un petit exemple. La saison 3 de One Punch Man vient de sortir. La saison 2, c'était il y a 6 ans. Donc, il n'y a que les fans qui l'attendaient. Et il y a eu un gros essoufflement pour les autres. Et en plus, la qualité semble pas être là. Donc, ça s'annonce génial. Et quand la saison 2 sort, t'as plus de hype en fait. La hype, elle est totalement retombée. Donc, tu dois relancer un peu la machine quelque part. Après, c'est Alors le pari. que, ouais, c'est le pari. Et après, de toute façon, ça a fonctionné parce que la saison 2 était top. Donc, tout le monde est retourné dedans. Mais après, quand les saisons 3 et 4 sont sorties après avec des rythmes beaucoup plus, on va dire, réguliers, ça, c'était tout bénef à ce moment-là. Le rythme de croisière était là, et c'est là que tout le monde, effectivement, était encore dans l'œuvre, et tout le monde continuait d'en parler, en fait. Donc c'était, ouais. Plus les films de clôture que nous sommes allés voir ensemble. Effectivement, les films de clôture qui étaient grotesques, hein, d'ailleurs, j'ai trouvé. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais Ah moi bah, incroyable. j'aime beaucoup les deux films de fin. Je sais pas si t'as vu, autre parenthèse qui n'a rien à voir, le premier, la première sortie de Demon Slayer, là, concernant les trois films qu'ils vont faire. Je n'ai pas vu le premier film, donc pas de spoil. Bah, pas de spoil, mais peut-être que tu auras l'occasion de te faire ton avis toi-même. Je trouve que tu ressens beaucoup dans le film Demon Slayer que, en fait, ils ont compilé ce qui pourrait être une dizaine d'épisodes. Et tu le Ouais. ressens. Alors que dans les films de SNK, je trouve que le format Ils film prennent le 1 heure temps. à 1 heure et demie est bien adapté. Et quand tu dis ils ont compilé 10 épisodes, c'est critique positive ou négative du coup? C'est que le film est très bien, mais par contre, sur le Trop format rapide. film, en fait, c'est comme si on t'obligeait à faire 10 épisodes de suite sans pouvoir les pisser, quoi. C'est un peu ça. C'est Ok. donc en vrai, je sais pas comment expliquer. Tu te feras ton avis quand tu verras, mais tu sens que l'histoire, elle a été montée, elle n'a pas été pensée pour faire des films. Ouais, Pour Demon Slayer, en tout cas, c'est ça. ils ont fait rentrer avec un chausse-pied toutes les informations qu'ils voulaient en 1 heure et demie, quoi. Pour moi, ils ont compilé 10 épisodes. Ils ont Ok. compilé 10 épisodes. Alors que pour le coup, sur SNK, tu ressens pas du tout ça. Tu as vraiment Ah, ils un prennent le film en deux temps. parties qui passe très bien. Et voilà, donc c'était une parenthèse comme ça. Non, mais je prends, on accepte les parenthèses, il n'y a pas de problème. Ok, super. Du coup, si je peux enchaîner sur les raisons principales, mais très rapidement, parce qu'on l'évoquera plus tard en détail sur le succès de l'œuvre, c'est pour moi, bah, donc l'animation, la qualité surtout de l'animation, donc qui sublime des scènes d'action épiques, mais c'est aussi et surtout la qualité d'écriture d'Hajime Isayama, jeune mangaka, donc bon, tout juste 23 ans au début de la parution du chapitre 1, donc 19 ans le one shot et les premiers travaux, 23 ans au premier chapitre. Et le point le plus remarquable dans l'écriture d'Isayama, du moins ce qui a fait le plus parler, c'est sa maîtrise du foreshadowing. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu sais ce qu'est le foreshadowing, Seb? Oh bah c'est le contour des ombres, je dirais, c'est le fait qu'on ait des gros traits noirs appuyés. Ouais, c'est pas exactement ça. Ah bon bah j'ai tenté, j'ai raté. Bouh, c'est honteux, vilain mangateux. Alors, le foreshadowing, c'est la faculté qu'a un auteur de placer tout au long de l'histoire de subtils indices annonçant les révélations qui vont avoir J'étais lieu. pas du tout sur ça, autant pour moi. Je pensais qu'on était vraiment sur le dessin. Ok. Non. Oh non, pas du tout. C'est vraiment de la narration pure, là. C'est vraiment savoir disséminer des petites graines ici et là qui vont après donner de belles plantations, quoi. Ah Et oui, non, mais c'est un mind blow de ouf, hein. pour moi, c'est C'est. le GOAT en la matière. Pour moi, c'est le GOAT dans ça. Il existe vraiment un nombre incalculable de vidéos sur YouTube qui vont lister, ouais, tous les indices dissimulés ici et là qui auraient permis à un lecteur avisé, un lecteur perspicace, de se rendre compte, peut-être même dès le premier chapitre, de peut-être la fin de l'histoire, parce que dès le premier épisode, le premier chapitre, tu as des indices énormes sur comment Isayama va terminer son œuvre. Et je trouve Ok. ça impressionnant. Attends, on n'a pas la fin de One Piece, ça se trouve c'est pareil. Ouais. je te sens moins hypé du coup. Non, parce que je sais que la commu One Piece est un peu en rivalité avec la commu SNK sur la maîtrise du foreshadowing par Oda. Ouais, en vrai, ils sont en rivalité avec tout le monde. Hein. Ouais. Mais pour moi, ce qui est, même s'il y en a un peu, c'est souvent plus des easter eggs, genre sur la couverture du tome numéro tant, on voit déjà tel personnage qui ne sera révélé que 3 ou 4 ans plus tard. Pour moi, c'est plus des easter eggs Oda, ouais, que vraiment de l'arc narratif que tu peux deviner, ouais, je vois. Ça, voilà. Ok, bon, de toute façon, on va pas rentrer dans le débat ici. Si jamais il y a des commentaires sous la vidéo, enfin sous la vidéo, n'importe quoi, sous l'enregistrement. Oui, parce qu'en fait c'est filmé, tu le savais pas, mais voilà, c'est diffusé en direct, surprise. J'ai supprimé ma caméra, tu peux pas me voir. Non, mais oui, si jamais vous voulez nous donner votre avis en commentaire sous l'enregistrement, n'hésitez pas, on vous donnera la parole sans problème. C'est bon pour le référencement. C'est très très bon pour le référencement. Ouais, et du coup, ça a permis pour moi, enfin, bien que ceux qui ont découvert l'œuvre après les autres ont eu le plaisir de pouvoir la binge-watcher, pour moi, ils ont raté quelque chose, car ceux qui suivaient à l'époque les sorties de façon hebdomadaire, que ce soit en chapitre ou en épisode, eux, ils pouvaient passer toute la semaine à réfléchir et à discuter avec leurs potes de leurs théories et des indices qu'ils pensaient avoir identifiés, et faire des élucubrations sur la suite de l'œuvre. Et pour moi, c'est là qu'est le cœur du phénomène Shinkeki no Kyojin. Non, mais ça, tu prêches aussi un convaincu, hein. Je suis d'une génération, encore une fois, plus ancienne que la tienne, où c'était sur le manga papier, même du Dragon Ball, où tu t'allais chercher ton truc chez le marchand de journaux, tu lisais ton truc et t'en discutais après avec les copains en disant « Bah alors, t'as vu où on en est, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer, c'est quoi la suite de l'œuvre ?» Bon, alors oui, c'était moins développé, j'entends, mais on était plus jeunes aussi, et ton attendu était le même, quoi. T'essayais quand même de deviner la suite. Ouais. Et le mieux dans SNK, c'est que même si en fait tout est sous nos yeux depuis le début, même si l'auteur il nous montre, hein, il essaie de nous montrer subtilement à chaque fois les révélations qu'il prépare, et ben à chaque fois que la révélation elle tombe, c'est un retournement de cerveau chez tous les lecteurs et chez tous les spectateurs. Il n'y a pas de pétard mouillé dans l'attaque des titans, hein. C'est un grand boom à chaque fois, une révélation à chaque fois, ça a retourné les réseaux, ça a retourné Twitter, même les gens qui ne suivent pas l'attaque des titans, ils ont vu passer forcément. T'en as forcément entendu parler, c'est pas possible, ouais. Autrement, ouais. Et ce qui est encore plus, je trouve, monumental avec les révélations qui ont lieu au fil de l'histoire, c'est qu'elles sont pas là uniquement du coup pour avoir cet effet de choc et pour apporter une réponse et un peu un plaisir éphémère, hein, qu'on a lors de la découverte d'une réponse aux nombreuses questions qui s'offrent à nous tout au long de l'histoire, mais c'est des révélations qui sont là pour changer, mais carrément totalement l'histoire, ou du moins la perception qu'on en avait. Chaque révélation, elle redéfinit l'univers, ses mystères, ses enjeux, si bien que si vous regardez en fait la saison 1 pour la première fois, vous verrez pas la même histoire que ceux qui la regarderaient à nouveau après avoir vu la saison 2, lesquels verraient également une autre histoire que ceux qui ont vu la saison 3, etc. Je trouve ça grandiose. C'est complètement mon sentiment, donc je vois pas quoi rajouter de plus là-dessus. Et ben que c'est justement ce qui permet aux spectateurs d'être toujours tenus en haleine, c'est-à-dire que il n'y a pas cet effet un peu, bon, tu cours après des réponses que tu n'auras jamais, et vraiment à la fin on te les éclipse un petit peu, mais pour autant il n'y a pas non plus cet effet, bon, t'as rapidement les réponses que tu veux, et après tu sens que potentiellement les scénaristes tirent sur la corde pour après signer sur une saison 3, une saison 4, une saison, ouais, 5, comme on a pu le voir sur plein de séries, au-delà de l'animation même, hein. Donc ça permet aux spectateurs d'être toujours tenus en haleine, et aux mangaka d'aborder des sujets, des thématiques différents au fil de l'histoire. Oui, mais je suis complètement d'accord. T'as bien cerné le truc et encore une fois, je vois pas quoi rajouter de plus. Ok, bon bah on peut parler plus précisément de l'histoire alors si t'es chaud. Bah allez, let's go. Donc on est sur un manga qui mêle plusieurs genres. Dark fantasy, horreur, thriller, action, tragédie, guerre et politique. Là, il y a à manger pour Ah tout le bah tout monde, le hein. monde. Ouais. Donc l'histoire, elle se déroule dans un monde apocalyptique où l'humanité, presque totalement éradiquée, vit retranchée derrière d'immenses murs pour se protéger des titans. Donc les titans, c'est des gigantesques humanoïdes dont nous ignorons toutes les motivations, à part qu'ils ont l'insatiable besoin de dévorer des êtres humains. Ils sont apparus près d'une centaine d'années avant le début des événements du manga. Ils mesurent entre 3 et 15 mètres de haut et ont un tel appétit qu'ils ont rapidement dévoré la quasi-totalité de l'humanité. Et sur le 15 mètres de haut, on est d'accord, c'est le plus grand recensé à ce moment-là. Le plus. Ouais, on va parler pour les titans classiques. Ouais, Ok, en ouais. effet. 3 et 15 mètres de haut. Effectivement, j'allais venir un peu plus tard. Il y en a un qui fait un peu plus de 15 mètres de haut, mais un seul. Ok, je laisse dérouler, je laisse dérouler, je ne t'interromps plus. Et oui, à ce moment-là, effectivement, on a des titans entre 3 et 15 mètres de haut, et c'est déjà, bon, c'est tout ce qu'on sait d'eux, et on sait que, bah, voilà, ils sont là pour t'attraper et pour te becter directement d'un seul coup. Voilà. Donc les survivants, ils n'ont pas eu le choix que de se mettre à l'abri derrière des murs d'environ 50 mètres, érigés en trois cercles de plus en plus grands. Donc le premier et plus petit cercle est le mur Sina, le D'accord. second le mur Rose, et le troisième, le mur le plus grand, est directement du coup au contact des terres inconnues et aux mains des titans, c'est le mur Maria. Je vais poser une question lambda, hein, comme si je connaissais pas la réponse. Il y a une différence de caste entre les différents cercles? Alors oui, effectivement, c'est une question très intéressante. On va dire que tu peux t'en douter. Il faut développer un peu sur le système politique qui est dans l'attaque des Titans. Il y a une royauté, évidemment, la royauté et la famille royale, les nobles, etc. Eux, ils sont tout au milieu. Eux, ils sont bien retranchés derrière trois rangées de murs, Les mecs, ils sont tranquillement. bien au chaud derrière le peuple. Ça, derrière le peuple, effectivement, plus tu vas t'éloigner, plus tu vas aller vers l'extérieur des murs, vers la troisième rangée, eh ben, plus effectivement tu vas avoir la classe ouvrière et agricole. D'ailleurs, c'est aussi le cas parce que le territoire est immense. Donc, entre le deuxième et le troisième mur, tu as beaucoup de champs, de forêts, de contrées. Ce qui fait que bah, c'est là que les gens vont travailler la terre. Donc, Pour tu nourrir retrouves. l'intérieur, ouais. C'est ça. Donc oui, non, ta remarque est intelligente. J'essaye. Le bas peuple est au plus proche des titans, séparé par un mur, et la royauté est tout au milieu, séparée par trois murs. Au cas où, on ne sait jamais. Ok, je vois parfaitement. Donc dans cette histoire, on va suivre un protagoniste, Eren Jaeger, un adolescent ne supporte pas cette cage dans laquelle il grandit et qui est désireux de partir au-delà des murs, découvrir le monde. Ce monde cruel ne lui fera pas de cadeau et il lui faudra pour cela percer les très nombreux mystères qui entourent les titans. Eren vit avec sa famille dans le district de Shiganshina, à la frontière entre le mur Maria et le territoire des titans. Alors du coup, pour développer un peu sur les districts, ce sont des constructions en arc de cercle installées à chaque point cardinal des murs. visant à réduire les coûts et à concentrer les défenses, puisque les titans s'agglutinent vers les districts là où les populations y sont réunies. Parce que oui, comme je l'ai dit un petit peu avant, les murs c'est gigantesque, le territoire il est immense, tu peux pas mettre des gardes et des canons à chaque mètre. Ouais. Donc pour cela, ils ont imaginé des espèces de voilà, donc de d'arcles de d'espèces de cercles. Mmh. Où les habitants sont réunis, et comme ça ils concentrent la majorité des défenses sur ces cercles-là, quoi. Ok. Et l'histoire du manga va débuter comme tu l'as, t'as commencé à le soulever, lorsqu'un titan parmi les titans ne répond pas aux normes. C'est ça, ne répond pas aux normes de l'époque. qui est gigantesque tel qu'il est plus haut que le mur de 50 mètres, et ben il va attaquer le mur du coup du district de Shiganshina, faire un trou dedans et permettre à tous les autres titans entre 3 et 15 mètres, un peu plus lambda, et ben de rentrer et de déferler sur la population. Alors, j'ai une autre petite question par rapport à l'œuvre en général. Est-ce que tu comptes évoquer la situation historique, dans le sens au niveau du développement de la population, dans quel genre de période on est ? Effectivement, j'avais pas prévu de le dire, mais c'est une bonne question. C'est compliqué à dater, on va dire, mais en vrai. Non, mais c'est plutôt la louche sur la technologie pour que les gens, justement, qui n'ont pas lu l'œuvre éventuellement se fassent une idée, tu vois, de dans quel milieu on évolue. Est-ce qu'on est en armure avec les épées? Est-ce qu'on a plus, voilà, tu vois, c'était plus ce sens-là de. Eh ben, justement, selon si t'es à la saison 1, j'aurais tendance à te dire qu'on est sur plutôt un aspect 17, 18e, allez voir 19e siècle en termes de technologie, puisqu'on a des canons, on a de la poudre, des armes à feu, ouais, on n'a pas d'automatique, ouais. C'était plus là où je voulais t'emmener. On n'est pas non plus sur un développement. À mon sens, tu peux me contredire, mais on est plutôt sur le Japon, sur l'ouverture justement du Japon à l'international avec les premières machines, mais sans plus, quoi. Alors, l'œuvre est pas du tout imaginée pour être. Alors, on est sur un territoire fictif, hein, mais un territoire fictif qui n'est pas calé sur le Japon, mais plutôt sur un territoire européen. Oui, tu fais bien. Ne serait-ce qu'avec les noms des personnages, Eren Yeager, Armin Scarlett, on est sur des consonances un peu allemandes, notamment, voilà, germaniques, ce qui aussi pourra prendre un peu tout son sens par rapport à la suite de l'histoire, où vraiment on va avoir des énormes parallèles avec la Seconde Guerre mondiale, etc. Et du coup, ce que je pouvais ajouter, c'est que à la saison 4, par contre, on est sur des technologies plutôt 20e siècle. Donc, il y a des grands bouleversements au long de l'histoire. Et donc, c'est pour ça que la réponse à la question de base n'est pas forcément si simple. Tout à fait. Et pour la petite histoire, c'était un moment où j'avais complètement décroché de SNK à cause de ce que tu dis, le temps qui passe et le fait que c'est difficile de raccrocher les wagons entre chaque saison. Quand j'ai commencé le premier épisode de la saison 4, je me suis dit, mais attends, j'ai rien compris à l'histoire ou qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est la. Alors, il y a eu effectivement entre chaque saison un peu des chocs à chaque fois, mais vraiment celui de la fin de la saison 3, c'est le choc le plus immense qu'il y a eu. L'enchaînement saison 3, saison 4, tu t'es complètement perdu. Ouais, parce que les révélations de fin de saison 3 effectivement te bouleverse et te pousse dans une histoire totalement différente, en fait. Donc complètement. Effectivement, tu changes même d'univers, tu changes d'époque, tu changes de tout, donc Donc c'est non, c'est normal que t'aies été perdu. Et je pense aussi que c'était le but. Ah oui, bah Je complet. pense aussi que c'était le but, même si ça n'a pas été un pari gagnant dans un premier temps, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été un peu déçus par cette nouvelle dimension de l'histoire. Je pense que ceux qui sont restés, ils sont très contents d'être restés et d'avoir suivi la saison 4. Parce que la saison 4, pour Bon, elle est moi, c'est incroyable. ma préférée. Personnellement, c'est ma préférée. Je pense que la majorité des gens préféraient la 3. Mais moi, c'est ma saison préférée, c'est La la 4. 4, il y a quand même un gros retournement et justement, il y a enfin, t'approfondis les personnages. Non, moi j'ai bien aimé la 4. Ouais. Mais il fallait marquer un changement, et c'est un changement qui a été aussi marqué par le changement de l'animation, parce que du coup on est passé de Wit Studio à MAPPA, une animation totalement différente, beaucoup moins chatoyante, beaucoup moins léchée, on va dire, et ça c'est pareil, ça a pas mal déçu pas mal de fans, mais qui pour moi était pertinente par rapport aux nouvelles thématiques de l'œuvre, notamment le souhait de vouloir traiter la guerre et de vouloir peindre un monde beaucoup plus sombre. On Oui. remarque que les couleurs sont beaucoup plus ternes, et je pense que c'est pour ça que on a voulu changer de studio d'animation, et je pense que c'était in fine un pari réussi par rapport à ça. Mais t'es pas objectif, t'aimes beaucoup trop l'œuvre. Bah, j'aime beaucoup trop l'œuvre, mais de la même façon que ceux qui aiment beaucoup trop l'œuvre, ben, ils étaient très attachés à Wit Studio, hein. Ils étaient très très Oui. attachés, et en même temps les travaux, ils étaient tellement immenses, l'animation de Wit Studio était tellement incroyable, que quand on a changé pour MAPPA, et en plus il faut le reconnaître, les Titans étaient moins bien animés, surtout au début de la saison 4. Il y en a beaucoup bah, de fans hardcore qui ont été très très très très très, très déçus, donc ouais. Mais la suite te donnera raison. La suite, bah pour moi, effectivement, la suite, c'est le pari gagnant. Après, il y a des gens qui sont restés déçus et qui sont restés dans cette idée-là, hein, dans cette idée-là que c'était une erreur de passer à MAPPA et que la saison 3, ça reste le prime et que la saison 4 était un peu moins bien à cause de ça. Pour ceux qui s'intéressent justement au studio MAPPA, c'est également ceux qui ont fait Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, Dororo et Dororo, et un dernier que je ne connais pas qui s'appelle Yuri on Ice, qui est pas du tout mon style. Mais voilà, enfin, c'est Ils ont pas généralement fait effectivement. Vinland aussi? Eh Vinland ben, Saga, je me j'ai demande. pas l'impression qu'ils sortent là-dessus, mais c'est possible. C'est à Je crois creuser. qu'il était en discussion pour qu'il le récupère, je crois, à un moment. C'est pour ça. Ok. Mais c'est peut-être pas eux qui l'ont fait. Mais effectivement, ça, c'est un studio qui a quand même sa patte parce que, bah, Jujutsu Ah, ils Kaisen, sont sur enfin tous les voilà. gros projets, hein. Ils en vont en poupe, là. C'est vraiment eux qui raflent un peu les plus gros projets de. Bah, les De ce qui gros marche le mieux, animés, ouais. ce qui marche le mieux en ce moment, quoi. Ouais. Bah, le duo, Jujutsu et Chainsaw. Voilà. Bref, on fera sûrement un Ouais, épisode ça. là-dessus aussi. D'ailleurs, t'as vu que le prochain film Chainsaw Man sortait la semaine prochaine ou pas? Ah, j'étais pas au courant. Eh Enfin, je oui. te dis ça, si, j'ai vu deux, trois infos, je l'ai vu passer, mais j'avoue que ça m'a pas percuté en mode ils sortent vraiment le film. Mais oui, je crois que même dans le trailer, c'est un truc du style je suis amoureux de deux filles, enfin oui, si. C'est très très décalé comme manga, ça aussi, j'ai bien aimé. Ouais, faut vraiment être perché pour kiffer ça. Et je le suis totalement, ça Bah tombe moi aussi, écoute. bien. Et ben c'est tout pour moi pour la partie 1, en ce qui me concerne. Très bien, et ben alors dans ce cas-là, ça va être mon tour. On va toujours rester sur le Japon, puisque vous en doutez bien, 7 minutes lui sera consacrée. Et puis bah j'espère que ce sera à la hauteur en tout cas de cette super narration que tu nous as fait pour l'instant, d'une œuvre majeure, qui est l'attaque des Merci. Titans. Je t'en prie. Bon, et ben moi cette fois-ci, je vais changer de la bouffe ou de la boisson. Normalement, je vais être transparent avec vous. C'était notre ami Anthony qui fait, enfin, qui nous honore de son absence. qui devait préparer cette petite minute, mais c'est pas grave, on s'adapte. Blablabla, j'entends pas. Et donc, j'ai choisi, moi, de vous parler des sumos. Donc, déjà, est-ce que toi, en dehors de l'aspect sportif et de ce que, qu'est-ce que tu connais des sumos, en vrai de vrai? Bah, tout un tas de choses, parce que je pratique le sumo tous les vendredis soirs. Mais non, c'est en pas fait, vrai! Il y a une équipe de sumo à Rennes, incroyable! un club, évidemment. Non, je ne connais rien du tout de ça, à part qu'ils sont plutôt balèzes, si j'ai bien compris. Que c'est un des rares sports où il est préconisé d'avoir beaucoup de gras. Oui, et, absolument. Et sinon, bah voilà, par ça. Ok, je vais essayer de te donner un peu plus d'informations sur eux et sur la pratique. Donc en fait, il faut savoir que le sumo, à la base, ça a des racines qui sont shintoïstes. C'est un rituel religieux, à la base, qui était censé honorer les divinités et assurer les bonnes récoltes, ce qui peut peut-être expliquer potentiellement le fait qu'il soit bien en chair. Et ces combats sacrés, ils étaient organisés en fait directement dans les sanctuaires. Et en fait, quand tu regardes, ils sont très très codifiés aussi en même temps dans la façon dont le combat est pratiqué, on va dire ça comme ça. Je sais pas si t'as déjà fait attention, mais par exemple, quand ils montent sur le terrain, sur le ring, t'as vraiment des choses qui sont codifiées, qui sont précises. C'est un rituel, ouais. La pratique elle est très stricte. T'as vraiment, comme tu dis, des rituels qui sont immuables. Tu as le salut, la frappe de pied, la purification du sol, donc vraiment, et le combat dans le cercle. Il y a vraiment une dimension assez forte, tu vois, comme le lancer de sel pour justement purifier le ring avant le combat. C'est tous ces petits trucs là, ça rappelle un peu cette origine de la pratique. Okay. Donc cette tradition qui est codifiée, les lutteurs, en fait, ce sont des rikichi qui vivent dans des écuries qui s'appellent des eya. Et c'est une discipline, en fait, de tous les jours. C'est extrêmement rigoureux, tu vois. C'est vraiment, tu disais, ils sont un peu dodus, ouais, mais justement, ils ont une alimentation qui est spécifique. Ils ont vraiment un régime qui est strict, même si t'as pas l'impression, c'est pas du tout le même régime que le boxeur ou le coureur. Eux, le but, c'est effectivement de prendre de la masse et d'être assez imposant pour justement. Le but, c'est de prendre la masse grasse. Il n'y a pas que de la masse musculaire. Grasse, hein, t'as de la force aussi. Oui, hein, je pense aussi, mais du coup, leur régime, du coup, il est plutôt gras, il est plutôt. Eh ben, je peux y venir si tu veux, il n'y a pas de problème. Ouais. En fait, le régime, c'est à base de alors ça s'appelle le shanko nabe. C'est un plat traditionnel japonais, et du coup, c'est à la fois fait pour prendre du poids et renforcer la masse musculaire, tu vois, donc c'est vraiment les deux. Concrètement et vulgairement, qu'est-ce que c'est? C'est un ragoût, en fait, qui a un apport calorique extrêmement élevé, mais en même temps une digestion facile, dans lequel tu trouves beaucoup de protéines, et qui est aussi à base de légumes. Alors, je sais pas si t'es féru de la... Je peux te donner la recette, hein, c'est pas un problème, si t'es féru de cuisine japonaise, à l'intérieur, tu as du dashi, ou un bouillon de poulet, qui est généralement enrichi avec du saké ou du mirin pour donner un peu de goût et une base salée. Ça va être ton bouillon. Ouais. Dans les protéines, t'as du poulet. Le poulet, il est entier à l'intérieur, donc s'il te plaît, faut vraiment avoir la dalle, tu vois. Comment ça, le poulet, il est entier dans... Ah bah, c'est quand tu prépares le plat, dans ton plat, tu prends un poulet entier. C'est pas juste, t'en mets pas un morceau ou un quart, tu mets entier. D'accord. Tu coupes même pas des petites aiguillettes de poulet. C'est pas juste le blanc de dinde ou non, c'est le poulet, il va à l'intérieur, quoi. Et le poulet, il y passe, ça roule. Mais c'est pas tout, tu rajoutes des boulettes de poisson, du tofu et parfois même du porc ou du bœuf. Bah, comme ça a l'air OK, hein, ce que tu me racontes. Hein. Ouais, bah t'inquiète. Alors déjà le dashi goûte-y et on en reparle. Je suis pas hyper fan. Bouillon de poule là. Ouais, c'est soit un bouillon à base de dashi, soit un bouillon à base de poulet. C'est pas la même chose. Ah ouais, je croyais que le dashi, justement, c'était le bouillon à base de poulet. Non, du tout. Donc déjà, si ta base, elle est chelou, tu vois, ça peut être un peu particulier en goût. Parce qu'en fait, le dashi, c'est à l'intérieur, comment t'expliquer, alors attends. En gros, c'est soit une algue, Des espèces de bonites séchées en copeaux, mais ça généralement c'est ce que tu rajoutes sur. C'est vrai que ça fait moins rêver là quand même. Voilà, et suivant la préparation de ton défi, ça peut être très particulier. Enfin bon, bref. On va être sous bouillon de poulet. Hein. Ouais, je pense aussi. Tu rajoutes dessus des petits choux chinois, des carottes, des champignons, des poireaux, et t'accompagnes ça avec du riz blanc, des nouilles udon ou des soba. C'est toi qui vois. Bah, ça a l'air pas mal, ça. Ah ouais, non, mais en vrai, ça doit être bien. Hein. Mais je pense qu'effectivement, déjà, quand t'as bien bouffé le poulet entier, tu roules, quoi. Tu n'as pas expérimenté ce plat lors de ton voyage ? Eh non, puisque je n'ai pas de prétention à être un sumo plus tard. Ah ouais, mais je pense pas que tu te transformes en sumo instantanément. Non, pas instantanément. Non, je te rassure. Je pense qu'il va y avoir un petit peu de prépa. Mais franchement, pour avoir l'envie d'y retourner l'année prochaine, il y a peut-être moyen que j'essaye de trouver ça. Je sais pas si on en trouve dans les restaurants, c'est une bonne question. Bah, c'est plutôt un plat traditionnel, non ? Ou c'est vraiment un plat à visée sportive sumorifique. Là, pour le coup, vraiment, c'est défini comme étant une alimentation spécifique à base de ça. Après, je pense pas qu'ils mangent ça tous les jours non plus, parce que sinon, ça doit être un peu relou. Mais disons que ça fait partie des piliers, en tout cas. Ok. Donc, Kante Rikichi, tu fais partie des lutteurs, mais le rang suprême, c'est Yokozuna. Donc là, on n'est plus sur une question de performance. Il y a aussi la dignité et le comportement exemplaire, si tu veux. Ok. C'est parce que tu représentes quand même quelque chose. Le sumo, ça reste un symbole national, ça incarne les valeurs du Japon, autant sur l'honneur que la persévérance et le respect des anciens et de la spiritualité. C'est ce qu'on venait tout à l'heure à dire sur les traditions, le fait que tu honores les dieux, et enfin, ce genre de choses, tu vois. Ouais. Donc aujourd'hui, généralement, les rikichi, tu les trouves encore. Hein. Nous, quand on y est allé, on avait la possibilité, alors c'est extrêmement cher, mais t'as la possibilité justement d'assister à des tournois, il y a la possibilité d'assister à des entraînements, et de passer même une journée dans ces EIA, les écuries dans lesquelles les lutteurs vivent en fait. Et c'est vraiment un monde à part, et du coup, j'ai trouvé que c'était trop cher pour une première expérience, mais tu vois, avec le recul, je me dis que si on y va et qu'on reste un peu plus longtemps, bah pourquoi pas? Pourquoi pas aller voir comment c'est fait et assister vraiment à un combat? Parce que ça a l'air vraiment d'être très très particulier et assez intense. Intense? Moi, c'est vrai que j'ai vu des combats à la télé, je trouve ça un peu lent. Moi, ce qui m'impressionne plus, c'est la puissance qu'ils ont. Qui dégage. Ouais. Non, mais ouais. Puis, enfin, si tu veux, t'as vraiment ce. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est que même si c'est un sport, t'as tout ce qui va autour, en fait. C'est comme dans tous les arts martiaux, t'as pas qu'une dimension. Enfin, tu vois, genre le football, c'est bon, il y a la Marseillaise pendant une minute et demie, ils prennent le ballon, ils jouent, terminé, merci, au revoir, on va au vestiaire. Là, t'as quand même une préparation, t'as un côté ritualisé des choses, il y a un respect autre que juste tu te serres la main. Enfin, ça va plus loin. Je trouve que dans la prépa, dans l'ambiance, il y a autre chose. Il y a un truc en plus. Ah, surtout qu'on la chante même plus, la Marseillaise, quasiment. Bon, ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. On va pas rentrer dans la polémique. Je veux garder des auditeurs, s'il te plaît. Tu vas te retrouver censuré. C'est clair. Finalement, il sera pas listé, celui-là. Et tu vois, enfin, même en dehors de ça, ce qu'il y a, c'est que le sumo, tu le retrouves aussi dans les arts, dans la littérature, dans la mode, dans la pub. Il y a une esthétique autour de tout ça. Bon, bien sûr, c'est parce que ça représente, c'est un symbole national, mais c'est aussi parce que ça rayonne un petit peu, c'est atypique, c'est pas quelque chose qui, enfin, vraiment, c'est ancré dans la culture du Japon. Même si, aujourd'hui, ça commence à s'ouvrir à l'international et il y a des champions qui sont étrangers. Bon, là, on était resté sur une partie asiatique quand même où il y avait justement des gens qui ont réussi ce tour de force de se démarquer dans ce sport traditionnel. Là, notamment, je pense à des Mongoliens, des Hawaïens qui ont réussi à justement commencer à susciter le débat d'identité. Ouais, totalement. Et pourquoi je parle de tout ça? Parce que là, il n'y a pas très très longtemps, avant de commencer cette émission, j'ai même lu que tu avais un lutteur ukrainien qui est parti de son pays après l'invasion russe et qui commence à faire trembler le monde du sumo japonais. Ah bah les pauvres, si ils se font battre au sumo, alors déjà on les bat au judo, franchement C'est petit. Ouais, non, mais après, dans une large majorité, ils sont quand même surreprésentés dans ce monde-là. On n'est pas non plus dans une perte totale d'identité sur le sport, quoi. Nous, notre seule accession au monde du sumo à ce jour, ça reste quand même le côté fan attitude de Jacques Chirac. C'est tout. Ah ouais? J'ai Ah pas bah la oui. ref. Sérieux, tu l'as jamais vu, mais lui, il était fan de ça. Enfin, dans les trucs qui étaient marquants chez Jacques Chirac, c'était la pub manger des pommes, c'était le saut au-dessus Ah. du métro, la bière en slip limite à l'Élysée, et son affection pour les matchs de sumo. J'avais la pomme, j'avais le salon de l'agriculture, mais ouais, j'avais pas le subo. Ok. Et ben Ce voilà. bon vieux. Comme quoi, il pouvait encore te surprendre. Il pourra toujours, cet homme-là. Bon, bah du coup, ça va être un petit peu tout pour moi. Je pense qu'on a fait le tour du sujet de manière assez rapide. Il y a énormément de choses à dire sur ce sport-là, mais je suis trop néophyte pour pouvoir vous en parler. Mais comme pour le reste, si vous avez des idées et si vous souhaitez un petit peu plus évoquer le sujet, n'hésitez pas à nous en parler dans les commentaires. Je vais pour l'instant rendre la main à Pierre pour la suite et la deuxième partie de SNK. Ok, et eh ben en deuxième partie, je te propose qu'on parle un peu l'un et l'autre de ce qui fait le succès de l'œuvre selon nous. Ça Donc marche. voilà, on peut peut-être essayer de parler sans se restreindre en termes de spoil. Donc si jamais vous voulez encore découvrir l'œuvre parce que vous ne l'avez pas fait C'est ces 10 maintenant qu'il faut dernières arrêter années, d'écouter. voilà, c'est ça. C'est ça. On vous Donc laisse première, juste quelques ouais. petites secondes pour justement pouvoir couper l'enregistrement si jamais vous voulez pas vous spoil, même si ce serait surprenant. Alors premièrement, et c'est la force, je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est la force de tous les bons mangas en général, c'est que les personnages, ils sont stylés, ils sont bien écrits et ils sont attachants. Ils sont stylés de ouf. Ouais. Je Et suis complètement d'accord. c'est vraiment, mais je pense que ouais, pour ça, les Japonais sont forts quand même, pour faire des personnages. Puis les primos, mais les secondaires aussi, et Ouais. voire même les tertiaires dans le manga, ils ont tous un truc qui fait que tu veux pas les laisser partir. Ouais, je suis d'accord. Mais ça, pour le coup, c'est pas propre à l'attaque des Titans. C'est vraiment général pour moi pour les bons mangas du coup. Là où peut-être Isayama se démarque un peu, c'est dans sa création de personnages imparfaits pour moi. Dans l'attaque des Titans, on est vraiment aux antipodes du manichéisme. Il n'y a pas de personnage totalement vertueux Oui. et il n'y a pas de personnage totalement mauvais. Oui. Notre personnage principal, Eren, c'est l'exemple le plus criant. Il est à la fois un idéaliste, il est à la fois idéaliste et déterminé, mais il est aussi impulsif, violent, impitoyable. Et il est prêt à tout pour parvenir à son but. Doit-il sacrifier le monde entier si celui-ci se dresse contre lui? Et c'est pas des paroles en l'air. Et Mais ouais. non, vas-y, continue. Je te laisse dérouler, je reviendrai après. Y a pas de souci. Ok. Donc on a également le meilleur ami d'Eren, Armin, bon, qui lui a le problème entre guillemets d'être quelqu'un d'assez faible physiquement, mais par contre lui il va être doté d'une intelligence exceptionnelle. Il partage les rêves d'Eren, mais il est beaucoup plus mesuré, calme et réfléchi. Et on a un trio de base de personnages principaux qui est complété par Mikasa, donc une orpheline recueillie par les parents d'Eren, qui s'est juré de ne plus perdre à nouveau sa famille et de protéger donc celui-ci, Eren, quoi qu'il arrive. Un C'est personnage plutôt un. féminin qui n'est pas, pour une fois, un personnage qui se laisse kidnapper, capturer, avoir, comme on peut avoir dans 80% des mangas. Un personnage ouais qui vit autrement que par le fan service. On ne ciblera personne, même si Seven Deadly Sins c'est abusé. Enfin bref, donc ouais c'est Bah, plus Bleach aussi, hein. Ah non, il y a Rukia, donc ça va. ouais, il y a Rukia pour le premier arc. Après bon, pour 90% de l'histoire de Bleach, Rukia on la voit plus trop, non? Ah, je suis pas forcément d'accord avec ça. Ok, bon, c'est vrai que je suis pas aussi calé sur Bleach, je dois bien le reconnaître, je l'ai vu une fois seulement. Pas de souci, tu es pardonné. Mais ouais, SNK, que ce soit Mikasa, Annie, Sacha, le Angie, c'est voilà, c'est à chaque fois des personnages qui sont très intéressants et très attachants et qui arrivent vraiment à s'illustrer dans l'histoire. Pour le coup, Mikasa, c'est vraiment un garde du corps très efficace, puisqu'elle est dotée d'une force et d'une agilité surhumaine, hein, vraiment. Puisqu'on était un peu, puisque j'évoquais que c'était des personnages imparfaits, l'histoire, par contre, nous la présente régulièrement comme quelqu'un d'assez égoïste, puisqu'elle va pratiquement en permanence faire passer ses motivations personnelles au-delà de celles de l'intérêt général. Des intérêts du collectif, comme on dit dans l'entreprise. Et je complète si tu permets en disant que justement chaque personnage par son côté imparfait et justement ses curseurs qui vont être poussés à l'extrême pour certains dans un sens comme dans l'autre. Dans le sens, ils vont avoir une qualité extrêmement forte, ce que tu disais tout à l'heure, le personnage qui va être faible physiquement va être très intelligent. Ces compensations, elles se font aussi à l'intérieur du groupe, puisque justement, en fait, quand tu prends tout le monde avec ses qualités et ses faiblesses, bah, on a un groupe qui marche bien, qui bah oui, qui, enfin, pas qui est parfait, mais qui justement permet de répondre à toute éventualité. Ouais, tout à fait. Voilà, c'est ça, c'est un groupe équilibré, c'est ça ce que je voulais dire. Ouais, c'est ça. Et puis c'est un. Si on prend juste le trio, là, du coup, ça crée des dynamiques entre chaque personnage qui fonctionnent bien. Et après, bien entendu, ils vont être en dynamique eux-mêmes avec les personnages secondaires. Et ça va très bien fonctionner parce que les personnages secondaires pourront également apporter des choses. Et si tu permets juste sur le côté personnage féminin, ce que je reviendrai, enfin, en dehors de ce que tu disais sur le fanservice, je reviendrai juste sur le fait que, bah, pour une fois, c'est un manga qui mise pas sur la sexualisation. À aucun moment, Exactement. t'as pas de critères de séduction, de. Bah, oui, de désir ou quoi, on est vraiment sur de la psychologie du personnage, du charisme et de la compétence. Carrément. On a un peu une histoire d'amour qui finalement se révèle un peu qu'à la fin de l'histoire et qui se conclut par un tout petit bisou à la toute fin, bon, dans des conditions un peu macabres, c'est vrai, Très très mais voilà, mais avant ça, on a vraiment rien du tout en termes de sexualité, hein, Il y a effectivement deux sur couples. l'histoire. Il y a deux couples dans l'histoire, trois max qui potentiellement pourraient se développer, et c'est clairement pas le fil rouge de l'histoire, quoi. Clairement pas. Effectivement, sauf à la fin, à la toute fin, l'histoire entre Eren et Mikasa, quoi. Ouais. Mais qui restera un peu inaboutie, on va dire. Oui, difficilement en tout cas. C'est ça. Et oui, même si bon, on a cette particularité, je trouve que les personnages sont vraiment anti-manichéens, on retrouve quand même des archétypes, hein, finalement assez classiques dans le shonen. On a une meuf badass physiquement overcheatée, donc le gamin nul physiquement est très timide et réservé, mais mastermind total si finalement tu t'aperçois que tu lui donnes un peu des clés pour exprimer ses talents. Et un héros qui lui n'excelle ni physiquement ni intellectuellement, mais qui va avancer grâce à sa détermination et sa volonté. Ça, c'est assez classique dans le shonen. On a aussi des archétypes dans les personnages secondaires, donc le commandant charismatique, le rival un peu jaloux du héros, je pense à Jean, le mec teubé, donc Connie, la nana qui pense qu'à bouffer, etc. Donc voilà, il y a quand même malgré tout des archétypes. Bah, si tu veux que ça marche, il faut quand même tenir à ce qui fait le succès du shonen avec le power-up et ce genre de choses aussi, quoi. Ouais, exactement. Et du côté des antagonistes, c'est un peu la même chose en termes de manichéisme. Il y a personne qui est vraiment mauvais. Il n'y a pas de méchant absolu dans les types Freezer ou Cell qu'on rencontre dans Dragon Ball. Ah, tu me fais purement et simplement à la destruction de l'humanité avec un grand rire démoniaque, tu vois. Là, il n'y en a pas. Exactement. Ou alors, juste pas de principe, mais on aime bien tout péter parce que c'est rigolo comme mot. Voilà. Voilà, exactement. Là, non, il n'y a que des êtres humains, souvent animés même par des valeurs altruistes, qui sont obligés de faire des choses terribles. À aucun moment, Reiner et Berthold ne font ce qu'ils font pour leur intérêt personnel. Ils espèrent protéger leur famille, protéger les leurs, et ils pensent même sauver le monde. Et finalement, ce sont eux-mêmes des victimes un peu du système, du système, de la roue du destin, du cycle infini. Tu veux, voilà. Non, et d'ailleurs, ce qui est fort dans le développement, c'est qu'effectivement, c'est des personnages qu'on te présente au début comme des traîtres, détestables, qui se sont joués de toi. Pour 10 tomes plus tard, te dire putain, en fait, c'est trop triste leur histoire, j'aimerais pas être à leur place, les pauvres. Ouais. Et Shingeki no Kyojin fait plusieurs fois le coup, quand même, de réussir à rebasculer l'histoire d'une manière telle qu'un personnage qui peut être initialement perçu comme gentil, va par la suite devenir celui qui est vu comme méchant. Et par contre, des méchants vont par la suite être perçus comme gentils. C'est quand même un tour de force. Les motivations de chacun. Faut vraiment creuser pour les connaître. Ouais, et c'est la transition parfaite pour parler du deuxième point, pour moi, qui fait la réussite de l'œuvre. C'est que Shingeki no Kyojin, ça fait réfléchir, je trouve. Ah bah, ça fait des nœuds au cerveau, hein. La première fois que tu regardes, t'as envie de rembobiner la cassette et de recommencer pour être sûr de bien avoir compris ce qui s'est passé, et... Ouais, mais pas seulement réfléchir dans le sens où... tu vas essayer un peu de suivre l'histoire, de comprendre juste ce que tu vois, mais tu vas vraiment avoir des réflexions profondes sur des sujets philosophiques pour moi, et des sujets qui sont très matures par rapport à l'âge d'Isayama au moment où il a écrit, je trouve. L'attaque des titans, moi, ça a pas cessé de me surprendre au fil des saisons par son intelligence et sa complexité. Je connais vraiment pas beaucoup d'autres auteurs dans le milieu qui a réussi à faire une critique aussi aboutie sur l'homme, à part peut-être Togashi dans l'arc des Chimera Hunts de Hunter x Hunter, qui est un chef-d'œuvre absolu également, je trouve. Très bonne référence. Mais... Ouais. Bah, de mes préférés également. Mais ouais, Isayama, il va vraiment traiter de plein de choses, le rapport entre l'homme et la guerre, il va traiter de l'apprentissage de l'histoire et de la propagande, du pouvoir politique, de la religion, de l'héroïsme, du sacrifice, de la liberté, mais surtout du coût aussi de la liberté, puisque on a un personnage qui va essayer d'être totalement libre, et en fait, tu te rends compte, si tu veux être vraiment libre, eh ben, ça a un coût énorme. Si c'est ne serait-ce que pour les autres, déjà, hein, puisque effectivement, Eren va s'attaquer au monde entier et va en fumer un paquet, mais aussi sur soi-même, parce que ce faisant, il va renoncer à beaucoup de choses pour lui-même, hein, dans cette quête de liberté. Ah bah, c'est un sacrifice pur et simple. Hein. Ouais. Également. Et d'ailleurs, bon, pour une petite anecdote, est-ce que tu sais quel nombre représente la liberté au Japon? Eh bien, pas du tout. Eh bien, c'est le nombre 140. Ok. Et est-ce que tu sais combien il y a de chapitres dans l'attaque des titans? Oh bah là, vu de nez, je dirais 140. Mais bah non, 139. Et merde! Parce qu'on ne l'atteint pas, justement. Oh là là! Incroyable. Ouais, il est fort, hein. Il y a des surprises partout. Ouais, mais je trouve que pour le coup, c'est vraiment effectivement un auteur extrêmement mature et avec une qualité d'écriture qui est impressionnante. Il a un degré de réflexion pour son âge qui dépasse largement le mien à son âge en tout cas. Ouais. Et même moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est un mec qui m'a fait évoluer dans la réflexion que je peux avoir sur les êtres humains, sur les gens en général et tout ça. Alors que il est de notre âge, quoi. Et bah heureusement que t'as pas commencé par Évangélion, hein. Effectivement, mais d'ailleurs je n'ai pas vu Évangélion. Et ça fait un moment que je me dis qu'il faut que je regarde Évangélion. Ouais, puis après t'écouteras notre épisode numéro 2 sur le podcast. Absolument, absolument. Un autre point qui fait pour moi bon, on en a déjà beaucoup parlé, donc je vais pas trop revenir dessus, mais vraiment un point qui fait aussi la réussite de l'œuvre, c'est vraiment la capacité à tenir en haleine le lecteur constamment et à le surprendre d'épisode en épisode. Tout ce que l'on pense savoir sur l'œuvre est tôt ou tard remis en question, jusqu'au nom même de celle-ci. Oui. Oui. Ça, ce n'est pas un spoil. Ça fonctionne bien. Je suis d'accord. C'est validé. Bah ouais. C'est moi, franchement, quand tu sais que le mec il a joué avec les subtilités de sa langue pour au final te faire croire que on était dans l'attaque des Titans et que finalement t'es plus sur le Titan assaillant. J'ai trouvé ça super fort. Bah il a pris tout le monde en revers, quoi. comme il l'a fait de nombreuses fois. Et ouais, quatrième point que j'avais relevé, c'est la qualité de l'animation, hein, donc qui sublime les très nombreuses scènes d'action du manga, hein, vraiment. J'hésiterais même à dire qu'on est sur deux œuvres différentes parce que tu ne lis pas pour l'intérêt que tu le regardes. C'est vrai. Je trouve que ton ressenti sur, après ça c'est ma vision du manga, mais je trouve que le ressenti sur le noir et blanc de ta page de manga qui n'est pas animée est pas du tout le même au niveau émotionnel que la projection d'image qui est très réussie en plus dans cette œuvre. C'est ouais. Deux façons d'appréhender l'émotion complètement différentes. Et en même temps avec force. Tout à fait. Et pour l'animation, même sublimée également par cette bande son monumentale de plus d'une dizaine d'heures et de si belle qualité que désormais des concerts sont délivrés dans les pays occidentaux juste avec les musiques de l'attaque des Titans. Pas mal. Eh oui. Mais et ça on pas, peut... tu savais pas. Bah il y a eu tournée à Paris en septembre. Preuve que c'est bien un manga phénoménal. Ouais, si t'arrives ouais. À même faire juste ton OST en concert, c'est que voilà, t'as réussi ton manga. Ouais, là c'est que effectivement la portée s'annonce plutôt énorme. Hein. C'est clair. Et puis puisqu'on parle des musiques, les openings, je sais pas ce que t'en penses, hein, mais... Ah bah les openings sont incroyables. Enfin, déjà le premier il porte bien, je trouve. Mais ouais. Tout à l'heure en off, pour que ce soit un peu moins subtil, on a parlé de War, si je me trompe pas, qui est le quatrième, c'est War. Ce que tu disais. Ouais. Enfin, le premier opening de la saison 4, mais du coup c'est pas le quatrième. Oui, excuse-moi, je l'ai mal présenté. Et en fait, pour te dire, j'étais à la salle de sport à ce moment-là. J'étais sur ma playlist métal et j'ai ça qui tombe en plein milieu. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? C'est trop bien. Et c'est qu'après que j'ai tilté qu'effectivement c'était l'opening du manga et je me suis dit, bon là c'est bon, c'est validé. J'avais pas vu la saison à l'époque et il est incroyable. Enfin. Il est surprenant en plus au premier abord, la première fois que tout le monde l'écoute, c'est un peu mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi. Et après, au fur et à mesure des épisodes, que tu le réécoutes, tu te dis, mais c'est un banger absolu. Moi, c'est, ouais, c'est mon préféré avec le premier. C'est vraiment les deux que je préfère. Je te rejoins, je comprends, c'est validé, j'accepte. Je pense la même. Et par contre, du coup, toi qui aimes bien le métal, du coup, t'as pensé quoi du deuxième opening de la saison 4? Parce que pour le coup, il envoie celui-là. Il en voit peut-être un peu plus dans... Effectivement, je pense même peut-être préférer celui-là à My War. Même si les deux sont énormes, j'ai confondu, c'est celui-ci que j'ai entendu à la salle de sport. Tu fais bien de me reprendre, il est incroyable. Effectivement, je me disais qu'il correspondait un peu plus à ton style musical. C'est vrai. Mais oui, non, mais incroyable. Enfin... Ça m'a fait le même effet que Orange Range sur Bleach à l'époque, où on était sur une chanson qui était très mignonne sur la première saison, en mode très coloré, machin. Et je crois que c'est saison 2 ou 3, tu passes sur un opening ultra dark, hyper vénère, et tu fais « D'accord, ok, c'est bon. C'est deux salles, deux ambiances, on a compris, c'est plus du tout pour les enfants, ça part. » Et les endings, t'en penses quoi? Ils m'ont... Alors, je vais pas te demander de me les chanter, mais je pense que je les ai trouvés bien, mais ils m'ont pas suffisamment marqué. Ouais, moi, il y en a quand même quelques-uns que j'ai bien kiffé, hein. Notamment l'ending de la saison 2, qui reprend déjà à l'époque, déjà dès le début, toute l'histoire. Bon, de façon générale, quasiment tous les openings et les endings, ils sont bourrés d'indices sur... sur l'histoire et sur les révélations qu'il y aura. Mais alors l'ending de la saison 2, non seulement je le trouvais très entraînant, mais en plus il est... Alors je pense que tu parles de celui-là, mais oui, en réalité les deux endings hein, de la saison 2 ont énormément de foreshadowing. Il spoil toute l'histoire. Ouais, mais du coup, il spoil de façon subtile, donc tu te rends compte de rien. Hein. C'est ça. Il te fait justement te poser encore davantage de questions. Il te fait penser que tu as des débuts de réponses. Voilà. Et c'est vrai que c'est qu'une fois que tu sais, comme à chaque fois, hein, que tu sais vraiment le dénouement de l'histoire, que bah, tu dis « Ah oui, c'est ça que ça voulait dire. » Ouais. Mais de toute façon, c'est... Alors, foreshadowing, c'est ça? Foreshadowing, exactement. Voilà. Donc, c'est une réussite sur toute la longueur. Ça m'étonne même pas qu'il ait joué à ça, y compris dans les openings et dans les endings. Ouais, les endings... L'ending, c'est encore plus flagrant que dans les openings. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a un cinquième point? Bon, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Bon, en gros, si tu dois le résumer et le vendre à quelqu'un qui connaît absolument pas, tu lui dis quoi par rapport à ce manga? Je lui dis, mais vraiment... alors, moi, vraiment, c'est l'œuvre. Chaque personne que je connais, j'essaie de lui vendre l'attaque des titans. Et comme chaque personne qui en fait n'a pas envie de découvrir quelque chose, moi le premier, hein, parce que je suis pas intéressé par quelque chose et que je ne connais pas, j'ai la flemme de commencer un truc. Mais l'attaque des titans, pour le coup, moi je suis sur un sans faute, c'est-à-dire j'ai peut-être fait découvrir ça à 15-20 personnes, j'en connais pas une qui n'ait pas aimé. Et je pense que j'en ai... au moins 80-90% qui sont eux-mêmes devenus des fans absolus. Donc ce que je dirais, c'est ça, c'est que... Tu le vends par ton scoring. Je le vends par mon scoring, voilà, c'est satisfait ou remboursé. C'est... Franchement, je connais personne qui n'ait pas aimé. Et donc, au pire du pire, ils apprécient. Ils passent un bon moment. Ils avaient passé un bon moment. Et au mieux, dans le meilleur des cas... ils sont fans absolus comme moi. Et ça, ce qui est beau, c'est que même si vous n'êtes pas forcément fan de manga. C'est vrai. Oui, parce qu'on n'en a pas trop trop parlé non plus, mais au niveau du trait de l'œuvre, on n'est pas sur quelque chose d'habituel là encore. Enfin, pour l'époque, quand c'est sorti, on n'est pas sur quelque chose d'habituel. On est plutôt sur un nouveau trait, une nouvelle façon d'envisager le manga, et c'est peut-être aussi pour ça que ça passe d'ailleurs. Ouais, bah en soi, ouais, c'est vrai que c'était. Bah, je trouve qu'après, le début de l'histoire n'est pas très original en soi, et pourtant ça a quand même tout de suite bien fonctionné, tu vois. Bah, le caractère humanoïde avec ce que tu disais des titans qui sont difformes. Il y a très peu de mangas qui ont joué sur cette vibe-là. Les personnages qui sont, enfin déjà le, à part Ouais. Vinland Saga, le côté t'es dans un village mais typé médiéval, mais avec influence allemande. Il y en a pas des masses, hein. Et même le chara Ouais. design, le format des, Et enfin les costumes et les formes des personnages, c'est pas quelque chose que j'ai retrouvé dans beaucoup d'autres mangas. ouais, mais tu retrouves quand même des, enfin, le titan non, les titans non, mais par exemple, tu retrouves beaucoup ça avec les œuvres sur les zombies, quoi, tu vois, genre l'humanité qui a été décimée par, bah, par des humanoïdes, du Ouais, coup. mais en manga, pas tant. Oh, il y a quand même des mangas avec des zombies, non? Mais c'est vrai qu'ils sont pas très bien exploités à chaque fois. Ils surfent beaucoup sur le phénomène et du coup ils inventent rien et du coup effectivement les mangas ils percent pas énormément. Mais il y a beaucoup de mangas avec des zombies. Ok, bah je suis peut-être passé à côté, hein. Il y a possibilité. Ouais, J'ai pas ça dans ma mais pas de chef-d'œuvre. bibliothèque. Il y a pas de Non, chef-d'œuvre, il n'y a pas de malheureusement. C'est chef-d'œuvre, c'est dommage hein, vrai. parce que c'est vraiment un truc qui plaît à tout le monde. Ah bah de toute façon ils ont essayé de nom je peux te sortir School of the Dead Resident Voilà, Evil t'en as deux autres là j'ai plus les noms en tête mais oui bah sur ce style-là ça a déjà été topé mais ouais non vraiment sur le côté titan colossal et la forme des persos ah non, je je parlais l'ai pas vu vraiment que ailleurs. ça a déjà été fait sur des zombies, je disais. Mais effectivement, les titans, non. Les titans, non. J'ai pas connaissance non plus d'autres mangas avec des géants qui bouffent les gens. Bah à part les kaijus style Godzilla, mais ça encore Ouais, c'est deux c'est niches et ouais. généralement c'est pas 8 mètres, hein, c'est un peu plus. Ouais, et puis Bah il est c'est pas au pas même niveau exactement déjà. le même délire. Parce que là, Non. du coup, en ce moment, je regarde pas mal Kaiju 8, là, je sais pas si tu connais. Très très bien, j'ai fini la première saison, très sympathique. Là, pour le coup, c'est pas le même délire. C'est pas l'humanité est rasée et il y a une majorité de Kaiju. C'est un Kaiju qui apparaît par-ci par-là dans une ville, dans une ville peuplée par des humains, qui va faire des ravages, effectivement, mais il n'y a pas cet aspect apocalyptique, cet aspect fin du monde, quoi. Alors pour ça, je te renvoie encore une nouvelle fois vers Evangelion. Bah vraiment, faut que je regarde. Oui, mais faut pas être déprimé. Faut pas que tu sois dans une phase descendante. Ouais, bah ça va. À ce niveau-là, ça va. Tant mieux alors. Bon, et bah écoute, je propose qu'on clôture sur ça. En tout cas, moi, le système m'a hypé, le manga est vraiment terrible. Je dirais juste que par contre, il faut pas, si tu veux le vendre, commencer par l'explication du liquide cérébro-spinal, parce que sinon, on n'en a pas fini. Non, c'est clair. Je me souviens d'une grosse discussion en sortie de déjeuner, qui aurait pu durer 2 heures. Mais ouais, non, vraiment œuvre majeure, je te rejoins complètement avec une hype de fou et ça fait clairement partie des 10 meilleurs. Voilà. Tu parles de l'explication qu'on a eue sur Shakespeare, où je t'expliquais pourquoi Falco avait des ailes, c'est ça? Voilà, exactement. Ok, ouais, je vois. Je vois, je vois. Bah, attends, c'est compliqué là. Là, t'es vraiment sur du pur technique, de comment fonctionnent les titans, de comment ils sont transmis, etc. Donc, ouais. Ouais, bah justement, on n'en a pas On du tout commence pas par là. parlé. Voilà, faut pas Bah. commencer par là, et on n'en a pas parlé dans l'épisode, pour garder un peu de suspense, mais ouais, les titans en eux-mêmes, il y en a certains qui ont des caractéristiques particulières, et qui viennent d'un mécanisme particulier, voilà, pour pas trop en dire. Effectivement, ouais. Bon, en tout cas, j'espère que ça t'a plu de participer, franchement, bravo, parce que bel épisode, une belle durée. Et pas de temps mort, très très intéressant. Je pense que les auditeurs seront d'accord avec moi. Si tu Bah, veux revenir j'espère. pour autre chose, ce sera avec plaisir. Ah bah, Si c'est des œuvres effectivement que je kiffe, moi c'est un plaisir d'en discuter, de le préparer. Donc je suis content parce que j'ai pas l'habitude de faire ça. Donc je savais pas du tout si j'allais tenir les délais. Donc je suis content si ça te convient. Bah, l'exercice est clairement validé. Je pense que on va avoir un petit peu de montage derrière, mais ça, vous ne le saurez pas. Et non, vraiment, bravo à toi. Très très bien. Ok, et eh ben merci beaucoup. Bah, c'est moi qui te remercie. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à nous le dire en commentaire, à nous laisser un petit pouce ou juste un petit like, ce sera toujours sympathique. Donc, je le répète une nouvelle fois, c'était Pierre sur cette explication d'SNK. Et on me dit qu'Anthony est toujours absent, il ne sera pas là de l'épisode, malheureusement. Tant pis pour lui, en plus il avait hâte d'en parler, c'est tant pis pour lui. Tant pis pour lui, hein, j'ai pris sa place. T'as très bien Finito, géré, t'inquiète. Voilà, prochain épisode, ce sera avec Pierre. Anthony. Non, je plaisante. Bon, bah, en tout cas, je trouve que t'as fait du bon boulot, hein. T'as parlé de tout comme il fallait, surtout les musiques, quelque chose qui me tient vraiment à cœur, les musiques de la série. Et bah, non, c'est pas une blague. On t'attend pour la prochaine émission. Enfin, moi, en tout cas, c'est le cas. Mais en tout cas, ça a été un vrai plaisir pour moi. Et puis, bah, écoute, j'espère qu'on te retrouvera dans d'autres épisodes et qu'on retrouvera aussi nos auditeurs pour la prochaine. Ben avec plaisir. Nous vous souhaitons de saintes lectures, une bonne semaine et à bientôt. À plus les mangateux. Anthony? Oui. Anthony? Oui, je suis là. Vu que t'étais mort la semaine dernière, que t'as pas fait l'épisode avec nous, Et oh. ça te dirait pas de parler d'un manga qui remonte à notre jeunesse, dans lequel il y a un petit carnet et où on parle de la mort, justement? Ah, je sais pas. Il y a beaucoup trop de sujets, beaucoup trop de thèmes. Je sens que je vais m'enfoncer. Mais bon, pour m'excuser, je veux bien le faire, d'accord. Eh ben allez, c'est parti!